On sait le coup, on voit vie la vinaigrette. Tout jeune tombé malade, c'est quoi gay alcool qui remède. Moun ka manger, s'en foutre de la au culinaire. Cherchez un petit côté qui tini air. Parce qu'on a ses medellines. Plein jeune karalé les lits. N'a pas de nom, c'est de mini-men. En kéayo, c'est là qui tini haine. C'est là qui tini ennemi. On savent que violence là, ça veut dire help me. Soldat, d'où vont des veines. L'année chapel, yo ka d'accord ouvert des veines. Sur des oubliés, tout ça avait des veines. Franchement, ni des week-ends, il a qu'à finir notre pideng. Qui en série américaine, alors qu'une fou à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre la pas mettre au cabo. Passe des pis en plus des jeunes, allez qu'à finir pas beau. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeune qu'à finir derrière les barreaux. Alors qu'une fou à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre la pas mettre au cabo. Passe des pis en plus des jeunes, allez qu'à finir pas beau. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeune qu'à finir. On l'a arrêté l'école prématurément. Y'a pas de temps, dis femme, je t'aime pas si y'a pas de naturellement. Objectif là, c'est faire l'argent sans assurément. Donc c'est deal de drogue assurément. Il y a des mounes qui titubent de toi l'attitude. Peut-être c'est trop lassitude ou bien c'est trop altitude. Passe. On voit que pour moun pas inquiète. Mais bite la vine qu'on les têtes. On n'a pas weed qui dans les têtes. Et oui, c'est ça, c'est cocaïne. Tout le monde voulait go cali. Mais vers l'école, c'est qu'on la rit. Il y a Vichy là dans lycée. Parce qu'elle est là, tout le monde a will. Ouais. Franchement, il y a des week-ends. Il a qu'à vivre longtemps pideng. Qui en série américaine. Alors qu'il faut à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre là, pas mettre au carreau. Passe des pis en plus des jeunes à l'air qu'à finir par haut. Parti ni travail, parti ni la jeune trop jeune qu'à finir derrière les barreaux. Alors, qu'il faut à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre là, pas mettre au carreau. Passe des pis en plus des jeunes à l'air qu'à finir par haut. Parti ni travail, parti ni la jeune trop jeune qu'à finir. Allez, c'est cash, moi. Fusil à pompe, braqué en tête. Et si vous pas qu'à moi, vous payez à m'en décaille ça. A pas pour fou la fousse, man. C'est pour un scooter, pour un chousse, man. Et tant pis si on y tient, mon épouse, man. Tout le monde veut faire qu'on a l'écran. Le petit veut faire qu'on les grand. J'en ai un petit moment, on dit au guada pas douce, man. Influence là est négatif. Et la paix est assez sédatif. Donc, mon café violence sans justificatif. Franchement, ni des week-ends. Il a qu'à vivre longtemps, pis dingue. Qui en série américaine. Qui en série américaine. Alors, qu'il faut à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre là, pas mettre au cabo. Passe des pis en plus des jeunes à l'air qu'à finir par haut. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeune qu'à finir derrière les barreaux. Alors, qu'il faut à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre là, pas mettre au cabo. Passe des pis en plus des jeunes à l'air qu'à finir par haut. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeune qu'à finir derrière les barreaux. Non, non. Nana, nana.